Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité de la recherche et de sa transmission. Aujourd'hui, en première partie de cette émission, nous recevrons l'historienne Zrinka Stahujak qui enseigne à UCLA et qui a été invitée au Collège de France pour quatre leçons que nous avons eu le bonheur de suivre sur le rôle du fixeur au Moyen-Âge. Elle utilise ce terme a priori anachronique pour évoquer les nombreux intermédiaires jusqu'alors négligés dans les sources qui peuplent les récits de pèlerins et de voyageurs médiévaux. Cette figure contemporaine qui aide journalistes et humanitaires à se mouvoir sur les théâtres de conflits est-elle utile pour comprendre l'entre-deux-mondes médiéval ? Nous le verrons avec elle, mais nous parlerons également de son livre récemment traduit en français aux presses universitaires de Rennes, l'archéologie pornographique dans lequel elle analyse le discours médical et philologique du 19e siècle qui a inventé le Moyen-Âge que nous connaissons. En deuxième partie, nous recevrons Bénédicte Savoie, professeur au Collège de France, et Yann Potin qui l'accompagne pour parler d'une journée atelier qu'ils ont organisée hier, toujours au Collège de France, autour des objets et de leurs droits. Nous nous demanderons avec eux s'il existe un droit des objets à disposer d'eux-mêmes. Puis dans sa chronique Un saut dans la loi, Amélie Meffre profitera de la loi sur les fake news pour revenir sur l'édit de François 1er qui rend obligatoire l'examen de tout livre avant publication. Enfin, comme chaque vendredi, c'était à la une avec le site Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, pour conclure cette émission. Bonjour Zrinka Stahujak, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous donc pour à la fois un livre et quatre leçons que vous avez données, qui donneront d'ailleurs lieu, j'imagine, à un livre d'ici peu de temps sur les fixeurs au Moyen-Âge. Je disais un terme anachronique pour parler du Moyen-Âge, mais volontairement anachronique, visiblement, de votre part. Oui, je m'intéresse à la fois aux fixeurs contemporains et aux fixeurs du Moyen-Âge. C'est vrai qu'on me pose souvent la question, le fixeur au Moyen-Âge, mais le fixeur, ça existait. Je dis oui, bien sûr, ça existait. C'est peut-être pas le nom, le terme qu'on utilisait, mais c'est certainement une figure de passage qui existait. Et c'est ce qui m'intéresse dans cet anachronisme, que j'assume tout à fait, c'est justement d'ouvrir un espace entre quelque chose qui pourrait être un objet historique, mais qui est, comme je le définis, une position plutôt qu'un métier. Et dans cette position, il y a de nombreuses questions qu'on peut poser autour de cette figure. Mmh. Et cette même, ce que j'appelle une sorte de dispositif du fixeur, qui donne lieu à plusieurs discours, comme on peut dire le discours de biologie, vie sur vie-mort, discours d'économie, qu'est-ce que ça veut dire être endetté par rapport à quelqu'un qui sauve la vie ou qui arrange la vie, ou discours d'éthique, comment tout ce dispositif peut nous être utile aujourd'hui aussi pour analyser certaines situations. Donc c'est une question de position et de situation qui ouvre à la fois le Moyen-Âge et le contemporain. Et d'une certaine façon, ils étaient présents dans les sources, ces fixeurs que vous inventez sous ce terme-là, Zrinka Stahujak, mais personne ne les avait véritablement analysés comme tels et comme passeurs entre deux mondes, comme échangeurs, pourrait-on dire, de culture et de civilisation, comme aussi des personnes à qui on confie sa vie quand on part en pèlerinage, quand on part très loin, comme Marco Polo, qui pourtant ne parle pas de ses fixeurs. Il a dû sûrement en avoir, mais d'une certaine façon, il les a oubliés dans son propre récit. Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait répondre ici. Tout d'abord, oui, les fixeurs existent. On les nomme dragomanes. Ça, c'est le terme qu'on utilise au Moyen-Âge. Le problème historiographique, je dirais, c'est que les dragomanes sont souvent assimilés, même dans les sources. On trouve l'équivalence entre dragoman et interprète. par exemple, les pèlerins ou les missionnaires diront un dragoman, c'est un interprète. Or, d'autres sources nous indiquent que ces dragomans avaient plusieurs fonctions et qu'ils non seulement ils traduisaient, mais aussi ils s'occupaient tout à fait du bien-être de la personne qui les embauchait, donc qui les guidait, qui les conseillait, qui leur donnait, fournissait soit l'équipement ou la nourriture. Et c'est cette multifonctionnalité donc que le terme de fixeur ramasse en quelque sorte. Et d'une certaine façon aussi, le voyageur confie sa vie à celui qui l'accompagne, soit en Terre Sainte, soit ailleurs. Et donc il y a aussi la question fondamentale de l'éthique de celui que avec lequel on passe un contrat, mais aussi de celui qui passe le contrat, parce que va-t-il payer ce qu'il faut payer, etc. Et puis de la confiance que l'on peut avoir dans les services qui vous sont rendus d'une certaine façon. Bien sûr, c'est bien ça la question, c'est ce que j'évoquais avec cette idée du discours d'éthique. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que en effet, on est dans des situations que j'appelle hostiles, et ça c'est vrai pour le contemporain comme pour le Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on se trouve sur un terrain où on n'est pas, on ne parle pas la langue, c'est même pas une langue intelligible, et on est dans une situation où on dépend entièrement de quelqu'un d'autre. Donc cette dépendance peut former des liens de solidarité, bien sûr, mais peut aussi former des liens d'antagonisme. Et cette situation, en gros, va ramener la question de cette dette, hein, et de cette tout simplement de cette dépendance, de comment on paye et qu'est-ce qui peut-être dépasse, qu'est-ce qui est en dehors de ce contrat tout simple d'un paiement pour un service. Mmh. Vous avez vous-même été fixeuse dans un contexte de guerre, puisque c'était la guerre en ex-Yougoslavie. Est-ce que cette position que vous avez occupée un temps vous a permis de réfléchir justement à ce travail que vous menez ces temps-ci et dont vous avez donné le résultat au Collège de France dans 4 leçons, la 4e et cet après-midi. D'ailleurs, on peut conseiller à nos auditeurs de se précipiter pour entendre la dernière de ces leçons. C'est à 16h cet après-midi. C'est à 16h, tout voilà. À fait. Donc, est-ce que cette position que vous avez occupée vous a permis de penser à neuf, pourrait-on dire, ces textes que vous lisiez en tant que médiéviste? Oui, alors comme je précisais dans ma première leçon, ce n'est pas un récit autobiographique, bien sûr, je ne me raconte pas, mais oui, ça m'a absolument aidé à réfléchir justement par rapport à ce qui dépasse, hein, c'est-à-dire on prend en charge quelqu'un, mais cette personne aussi qu'on promène, qu'on guide, qu'on conseille, pour qui on traduit, cette personne aussi nous met dans une situation parfois difficile et j'avais longuement réfléchi à ça dans un travail que j'ai fait il y a plus d'une dizaine d'années et je me suis beaucoup intéressée à la question de la neutralité, c'est-à-dire ce rapport qu'on voudrait, je l'analyse dans mes leçons au Collège de France, ce rapport qu'on voudrait tout simplement être un rapport monétisé, un rapport de contrat. Néanmoins, il y a beaucoup d'affects qui se forment dans les relations parce que c'est quand même, comme c'est une position, que c'est pas un métier, on est en relation avec une autre personne dans des situations difficiles. Et c'est là où cette histoire d'affect et cette histoire de devoir être neutre ou en tout cas de devoir être objectif quand il s'agit certainement du contemporain, c'est quelque chose qui peut produire beaucoup de problèmes ou beaucoup peut poser beaucoup de questions et peut voilà peut tout simplement nous amener à devoir reprendre cette question de qu'est-ce que c'est que d'intervenir dans un conflit, qu'est-ce que c'est de prononcer un jugement sur un conflit, comme ça a pu être le cas en ex-Yougoslavie. Et comment peut-on être neutre, effectivement, quand ce conflit se déroule sur son propre terrain, par exemple? Et j'imagine que pour le fixeur qui accompagne un pèlerin médiéval ou un frère franciscain, eh bien, cette question se pose évidemment, parce que pendant cette période médiévale, il y a toujours des conflits qui se déroulent sur ces terrains. Exactement. Et c'est pour ça aussi que je préfère utiliser le terme de fixeur. Je l'explique dans la leçon au Collège de France. C'est qu'en France, on utilise le terme plutôt de passeur. Et je me suis interrogée beaucoup là-dessus parce que passeur, c'est quelqu'un donc, qui passe, qui fait passer. Et c'est comme s'il n'y avait pas de problème. Or, fixeur, c'est un terme évidemment en français qui est très très très mal adapté à la langue française. C'est quand même presque un calque de la langue anglaise, hein, to fix et fixer, c'est des termes anglais qui ont le sens tout à fait contraire au verbe fixer en français. To fix, c'est réparer, c'est arranger quelque chose. Donc il y a des problèmes qu'il faut arranger, il y a des problèmes qu'il faut régler. Et c'est cette aussi tout simplement de rugosité de la lettre même, hein, fixeur, ça passe si mal en français. C'est cette rugosité même qui arrête, je pense, qui nous arrête et qui nous oblige de réfléchir autrement. Alors, on comprend que si on veut mieux comprendre ce que vous dites sur la question des fixeurs au Moyen-Âge, on a tout intérêt à aller se précipiter sur le site du Collège de France et voir les leçons que vous y avez données et se précipiter cet après-midi à 16h pour écouter ces leçons. Et nous parlions d'anachronisme au début et tout compte fait, l'autre objet pour lequel vous êtes invité à la Fabrique de l'Histoire ce matin, c'est la parution aux presses universitaires de Rennes d'un livre dont le sous-titre est Médecine, Moyen-Âge et Histoire de France, ça c'est classique, mais dont le titre est l'archéologie pornographique. Et là, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un peu d'anachronisme? Et on découvre en fait que ce n'est pas votre anachronisme, mais c'est l'anachronisme d'un auteur du 19e siècle sur le Moyen-Âge. Vous y traitez de la façon dont les philologues, dont les médecins, dont les universitaires qui inventent purement et simplement, pourrait-on dire, le Moyen-Âge aux alentours de la naissance de l'histoire de France. Ces personnes-là vont, donc on est aux alentours des années 1830 et jusqu'à la fin du 19e siècle, vont se faire un Moyen-Âge à leurs mains, pourrait-on dire, qui leur permet de mieux comprendre leur siècle à eux, Zrinka Stahujak. Oui, en fait, c'est une histoire de double transfert, je dirais. C'est que, en effet, les médecins, ces grands intellectuels du 19e siècle, aux côtés des historiens... Qui ont la prétention de raconter l'histoire. Qui ont tout à fait la prétention de raconter l'histoire, puisque l'histoire est en effet une catégorie médicale. Et il faut guérir l'histoire, et il faut apprendre de ces leçons historiques. Mais c'est un anachronisme donc dans ce double transfert que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on prend le Moyen Âge pour se comprendre mieux, et c'est une étude de l'histoire, mais pour un meilleur avenir. Donc c'est une histoire qui va être transformée dans un meilleur avenir pour la nation française. Et c'est un anachronisme aussi puisque le 19e siècle, du coup, devient une sorte de filtre qui va construire le Moyen-Âge aussi. Donc, on pense souvent, quand on est médiéviste, grâce à notre formation, qu'elle soit philologique, qu'elle soit codicologique, qu'elle soit d'archiviste, qu'elle soit de documents, on pense qu'on a un accès direct au Moyen-Âge. Or, cet accès direct a été quand même médié par le 19e siècle, qui finalement a construit et établi ces disciplines. Et d'ailleurs, en 1805, un certain François Renoir, qui a donné d'ailleurs le nom de la rue qui est juste derrière la maison de la radio, François Renoir, écrivait un texte, une pièce qui s'intitule « Les Templiers ». Nous l'avions donc fait lire pour une émission dans laquelle était déjà Yann Potin, c'était en 2008, dans la Fabrique de l'Histoire, par Claude Aufort, un extrait de ce texte. « Mon cœur est innocent, mais ma bouche est coupable. » J'ai fait de faux aveux et j'en suis indigné. Des pleurs du repentir, mon visage est baigné. Vos regards m'ont instruit de l'excès de mon crime. Mais aurais-je perdu tout droit à votre estime? Hélas, je n'ai pas eu la force de souffrir. Je puis tout réparer. Je puis encore mourir. De mon funeste exemple, ô suite déplorable! Plusieurs autres guerriers, encore irréprochables, témoins de ma faiblesse, ont soudain hésité. Enfin, ils ont trahi l'honneur, la vérité. Vaincus par la douleur et gémissant de l'être, l'un de nos chevaliers a nommé le grand maître. À peine il prononçait votre nom glorieux, les larmes du remords ont coulé de nos yeux. Soyons dignes de lui, chacun de nous s'écrie. Reprenons notre honneur en cédant notre vie. Devant l'inquisiteur, tous se sont présentés, pleurant de leurs aveux, tous les ont rétractés, comptaient sur leur vertu. Et pourquoi donc sortir ce texte de François Raynouard, datant de 1805, Les Templiers, lus ici par Claude Aufort dans une émission de la Fabrique de l'Histoire il y a une dizaine d'années, pour parler de l'archéologie pornographique, Zrinka Staljak? Bah, tout simplement parce que c'est à la fin de l'expédition d'Égypte et que les Templiers reviennent dans l'imaginaire français grâce à ce contact avec l'Orient, et que les Templiers, bien sûr, étaient l'ordre militaire très engagé dans les croisades. Alors la question que ça pose, justement pourquoi c'est l'archéologie pornographique, je prends pour, c'est un titre, vous l'évoquiez, d'un homme qui s'appelle Paul Lacroix, pornographique dans le sens qui précède notre sens moderne de pornographie comme obscénité, comme moyen à l'excitation, mais pornographique qui contient en gros quelque chose de beaucoup plus large, c'est-à-dire les pratiques sexuelles, la prostitution, tout ce qui en fait touche à la sexualité. Et donc les Templiers sont commencés et ont été accusés d'hérésie et de sodomie, ont été condamnés pour ça, et Raynouard veut en quelque sorte les réhabiliter. Et c'est une pièce d'ailleurs donc en 1805 qu'il écrit et qui est soutenue par Napoléon, ce n'est pas une surprise peut-être, mais j'ai essayé de montrer dans cette partie du livre, c'est qu'il y a un lien très intime entre le retour vers le passé médiéval et ce contact qui s'établit en quelque sorte entre la métropole et la colonie, donc la future France impériale coloniale. Oui, parce que vous montrez bien combien un discours colonial, et en particulier conquête de l'Algérie en 1830, va se mêler à d'autres moments de l'histoire, et en particulier de l'histoire des savoirs et de savoirs sur le passé du Moyen-Âge. Et vous insistez beaucoup sur la façon dont on regarde, dans votre livre L'archéologie pornographique, dont on regarde cet Orient comme un Orient sexuel aussi. Et d'ailleurs, il va falloir un moment ou un autre choisir entre deux sources de ce passé médiéval. Une source qui serait plus pudibonde et qu'on appellera à la fin du 19e siècle l'amour courtois, ou qu'on appelait auparavant l'amour chevaleresque. Et puis de l'autre côté, tous ces fabliaux qui sont source de peine pour certains des érudits du 19e siècle, parce que ils décrivent une sexualité débridée où les prêtres peuvent forniquer autant qu'ils le veulent, et on ne sait pas trop quoi faire de cela. Dans un premier 19e siècle, dites-vous, Zrinka Staljak, on sait quoi en faire, et dans un deuxième, plus du tout. Dans la première partie, on sait quoi en faire parce que justement, pour reprendre l'exemple de Raynouard, il dit que c'est une erreur philologique d'avoir été accusé finalement de sodomie et de hérésie, et il montre que cette idée qu'ils sont devenus hérétiques, c'est la mauvaise prononciation de Mahomet qui devient Bahomet, donc c'est un vrai travail philologique qu'il fait. Mais après, comme le contact colonial progresse et comme les problèmes commencent à émerger en termes de métissage ou de cohabitation, concubinage, et tout simplement d'une politique, on va dire, raciale, là, les Templiers deviennent l'exemple des mœurs relâchées au contact avec l'oriental et au contact avec une sexualité différente. Et vous avez parfaitement raison de dire que finalement, on va être confronté à un choix entre l'art d'aimer et un art érotique. Et c'est bien sûr, c'est logique, puisqu'on est en train de construire la nation française. Et je dirais, la sexualité, malheureusement, on ne peut pas la nationaliser facilement. Donc, vous avez plongé pour ce livre sur l'archéologie pornographique, que vous avez écrit en 2013, donc pour l'édition américaine, et donc qui vient tout juste d'être traduit aux presses universitaires de Rennes, dans des nombreux érudits du 19e siècle, des polygraphes, comme ce fameux Paul Lacroix, qui avait sous-titré « L'histoire des mœurs » et de la vie privée, ouvrage complétant toutes les histoires de France. Ça, c'est assez extraordinaire, en pensant qu'il y avait deux registres possibles pour raconter l'histoire, l'histoire militaire et politique, et l'histoire, justement, des mœurs, de l'intime, d'une certaine façon. Oui, et c'est bien ça le problème, parce que l'histoire des mœurs est une histoire à part, et elle est apparentée d'ailleurs à l'archéologie, et par exemple, j'avais trouvé dans le grand dictionnaire de Larousse, qui critique les ouvrages de Paul Lacroix en disant, mais on ne comprend rien à cette histoire des décors, finalement, des costumes, de la nourriture, de la gastronomie, de l'architecture. On ne comprend rien si on ne met ça, on ne remet ça dans le cadre d'une chronologie et dans le cadre des événements de l'histoire événementielle. Et c'est cette séparation, finalement, entre l'histoire des mœurs et entre l'histoire politique, l'histoire institutionnelle, qui va exclure aussi, qui va finir par exclure aussi, l'étude du quotidien. Et là, je dirais, le sexe, la sexualité, ce n'est pas un événement. Mmh. Hein, c'est quelque chose dans le quotidien qu'on peut vivre tous les jours. Et c'est bien sûr pour cela que l'histoire du 19e siècle ne peut pas s'y intéresser. Oui, alors vous expliquez cette exclusion justement de ces fabliaux, de ce qui est convenable, ce qu'il est convenable d'étudier et de ce Moyen-Âge qu'il faudrait étudier. Et la montée en puissance d'un amour courtois, des poèmes d'amour courtois, dont on exclut d'ailleurs une véritable sexualité. On ne se dit pas qu'il y a derrière ces poèmes d'amour courtois une véritable sexualité. Et donc cette montée en puissance d'un amour qui, dites-vous, est parallèle. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est votre érudition. Vous allez mélanger des registres tout à fait différents, parallèle à la loi sur le divorce, la loi Naquet, donc de la Troisième République. Il a fallu 6 ou 7 ans pour pouvoir faire admettre aux parlementaires. Et vous dites, tout compte fait, si on veut que le mariage ne soit plus un mariage forcé ou un mariage arrangé, il faut promouvoir le mariage d'amour. Et tout compte fait, l'exemple de l'amour courtois n'est pas un mauvais exemple, Zrinka Steljak. Oui, c'est vrai, il y a une belle coïncidence entre ce qui se passe en France, justement à essayer de constituer cette belle nation française qui va être saine, sans morbidité, sans mauvaise hérédité. Qu'il faut redresser. Et donc l'opposition au divorce a été très très très longue. Donc ce qu'on va faire, c'est on va emprunter ce terme d'amour courtois et le rendre en mariage courtois, ce qui va finalement rendre le mariage indissoluble, puisque les époux s'aimeront sur ce modèle courtois du Moyen-Âge d'un amour idéal. Vous savez qu'il y a toujours une discussion entre universitaires vivant aux États-Unis et universitaires français autour de cette question de la galanterie, qui serait une spécificité française. L'avantage de ceux et de celles qui liront l'archéologie pornographique, c'est qu'ils découvriront comment naît cette idée, justement, d'une France galante qui se sépare des autres pays européens, en particulier comment la France a cet amour chevaleresque rivé à son propre territoire et l'a même exporté en dehors de ses frontières, Zrinka Steljak. C'est exactement ça. Le 19e siècle construit l'amour courtois en un modèle culturel. Et en revenant au Moyen-Âge, peut dire, voilà, mais il y a eu cette période féodale des seigneurs brutaux, sanguins, meurtriers, etc., absolument barbares, en quelque sorte. Et c'est déjà la chevalerie qui civilise ces seigneurs. Et après arrive l'amour courtois, et on exporte, là, c'est la langue française qui va exporter l'amour courtois partout en Europe. Et donc, le 19e siècle pourra revendiquer cette exportation de ce merveilleux modèle culturel connu comme l'amour courtois, donc la courtoisie, la galanterie. La France est la terre classique de la galanterie, dit Vallée de Virville, professeur à l'école des Chartes en 1853, par exemple. Oui, par exemple. Et donc là, c'est la civilisation française, n'est-ce pas, qui va civiliser le reste de l'Europe, mais c'est aussi à partir de cet exemple historique que la France pourra dire, nous avons une exception culturelle, nous avons été le premier, nous avons été ceux qui ont exporté, nous n'avons pas importé, ce qui peut-être nous ramène aussi à cette question de la sodomie et des Templiers et de ne pas importer la sodomie depuis l'Orient. Et qu'est-ce qui se passerait si une chercheuse ou un chercheur qui travaille sur le monde germanique vous posait la même question en écoutant par exemple les Carmina Burana ? Ecco, ecco, somma basso. Les Carmina Burana de Karl Orff, dont on sait combien ils ont mis en avant, même si elles ont été à un moment donné mis de côté par le régime nazi, elles ont été ensuite brandies comme un drapeau d'une identité médiévale germanique qui justement mettait en avant la paillardise, mettait en avant les beuveries, la sexualité. Ça serait intéressant de comparer votre travail sur la France, Rinka Stajuzak, avec le Moyen-Âge tel qu'il a été pensé par les médiévistes britanniques ou les médiévistes germaniques? Je pense que ça serait tout à fait un projet à faire. Il me semble peut-être, si je parle depuis la position française, que peut-être les Allemands ont été finalement beaucoup plus libres, puisque eux, ils ont importé et ils n'ont pas exporté, donc ils n'ont peut-être pas été aussi définis par cette normativité de l'amour courtois qu'on peut trouver en France. Merci beaucoup, Zrinka Stajuzak, d'être venu présenter donc à la fois vos cours au Collège de France. Je rappelle, le dernier a lieu à 16h aujourd'hui pour les Parisiens. Vous pouvez vous y précipiter sur les fixeurs au Moyen-Âge, et également le livre que vous venez de publier aux presses universitaires de Rennes, l'archéologie pornographique, médecine, Moyen-Âge et histoire de France. Et merci et à bientôt, puisque vous reviendrez pour développer toutes ces questions un jour ou l'autre dans la fabrique de l'histoire. Bonjour Yann Potin. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous, Bénédicte Savoie. Bonjour. Merci. Donc ces journées complètes pour le Collège de France. Je ne sais pas si ça ira jusqu'à ce soir. En tout cas, ça a commencé avec Edem Eldem au matin de France Culture. Vous êtes professeur au Collège de France et vous organisiez avec Yann Potin, qui est à vos côtés, une journée d'études, ça s'appelait une journée atelier, en l'occurrence. Je ne connaissais pas l'expression, mais pourquoi pas, c'est bien. C'était la cuisine, en fait. On voulait non pas montrer le plat fini, mais montrer avec les différents ingrédients comment faire la pizza. Et une pizza qui nous occupe beaucoup, à la fois, comme le disait Zrinka Stajuzak, dans l'histoire, quand on observe en historien des sources passées, et vraiment au présent et probablement à l'avenir. Encore plus, c'est la question des restitution de patrimoine approprié par les autres. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez été élu au Collège de France, et c'est le cours que vous menez depuis maintenant plus d'un an au Collège de France, Bénédicte Savoie. Vous êtes aussi missionné par le président de la République, on en parlera pas aujourd'hui parce que cette mission n'est pas terminée, avec Fel Winsar, pour réfléchir justement à la question des restitutions, et j'espère bien que vous viendrez nous en parler après l'été dans la Fabrique de l'Histoire, et des restitutions en particulier d'œuvres pillées dans nos anciennes colonies et qui peuplent encore nos propres musée. Mais là, vous parliez du droit des objets à disposer d'eux-mêmes. C'est aussi cette même question. Qu'est-ce que ça signifie, Yann Potin, le droit des objets à disposer d'eux-mêmes? Avec un point d'interrogation. Bien sûr. En fait, c'était une formule un petit peu pour lancer de la recette, puisque pour filer la métaphore gastronomique, il fallait bien provoquer, en fait, c'était une façon en fait un peu provocante de poser une question absurde sur le plan juridique, évidemment, c'est-à-dire que les objets sont l'inverse des sujets, c'est-à-dire typiquement des éléments du patrimoine, qu'ils soient œuvres d'art ou non, qui ne peuvent pas disposer d'eux-mêmes et qui ne parlent pas, qui n'ont pas de personnalité juridique. Donc, fondamentalement, c'était une question qui visait à susciter des réactions de différentes disciplines, histoire de l'art, anthropologie, histoire, et bien sûr, droit, histoire du droit. Et archéologie. C'était hier donc au Collège de France, on y a pu y entendre Pierre Rosenberg, Alain Schnapp, Isabelle Lemann de Chermont, mais aussi François-Xavier Fauvel, Benoît de l'Étoile, Manuel Charpie, vraiment de très très grands chercheurs et chercheuses, et Edem Eldem qui était ce matin donc au matin de France Culture. Tous ces gens-là, avec Alain Supiot et d'autres, ont réfléchi à cette question du droit des objets. Qu'est-ce que vous vouliez, je vous pose la même question, qu'est-ce que vous vouliez faire ou qu'est-ce que vous vouliez dire, Bénédicte Savoie, autour de cette journée d'études hier au Collège de France? Mettre ensemble des gens qui pensent cet objet qui n'existe pas encore, mais c'était pas seulement une provocation. Il se trouve que quand on travaille, et en particulier quand on travaille avec des images du passé, on voit beaucoup d'objets animés. On voit des Nefertiti avec un joli petit corps de berlinoise rentrer chez elle. On voit toutes sortes de statues qui réclament de sortir des geôles du British Museum, etc. Donc les sources sont extrêmement nombreuses. C'est des publicités, c'est des textes. On voit des interviews de tableaux en 1815 qui disent « Ah, j'en peux plus d'être à Paris, ramenez-moi à Dancy », etc. Donc les sources historiques font parler ces œuvres, beaucoup. Évidemment, ce sont des hommes, des acteurs avec des agendas politiques qui les font parler. Et de mon point de vue, qui suis très, très lié à ces sources iconographiques, à ces images, la question, c'était de savoir Que vont en penser les autres, c'est-à-dire les juristes, c'est-à-dire les anthropologues, c'est-à-dire des historiens? Quelqu'un comme Charlotte Guichard, par exemple, qui s'est beaucoup intéressée à la question des tableaux qui disent « j'ai été peint par les spécialistes de manuscrits médiévaux ». Qui s'est intéressée aussi au graffiti que les peintres faisaient sur les stanze des Raphaël en allant donc faire leur voyage à Rome, par exemple. Donc des poussins qui écrivaient « j'étais ici », d'une certaine façon. Aussi. Voilà, c'est le rapport entre l'objet et le sujet, l'œuvre d'art et son acteur. Et ça nous intéressait de voir comment ça pouvait marcher hors de ces images qui sont des fictions, bien sûr. Oui, Yann Potin, des juristes, des anthropologues, des ethnologues, toutes les facettes, pourrait-on dire, des sciences humaines au service de cette réflexion. Oui, puisque c'est d'ailleurs une des missions du Collège de France de faire dialoguer les disciplines et le savoir, docet omnia, c'est la devise du Collège de France. Et je crois que cette journée a été, elle était expérimentale, mais de fait, la première difficulté, c'est de trouver un langage commun, ne serait-ce que parce que fiction, quand on dit le droit des objets à disposer d'eux-mêmes, c'est une fiction juridique, mais une fiction juridique, c'est avant tout... ce que les juristes, c'est la base du raisonnement des juristes. Donc, par exemple, simplement faire comprendre que ça peut être un exercice tout à fait intéressant et révélant des structures en partie inconscientes du droit civil occidental ou de la common law en posant cette question, c'est une autre façon finalement de faire de l'histoire du droit. À l'inverse, pour l'anthropologie, cette question de la mana des objets et au cœur l'esprit des objets et au cœur de tout depuis le totémisme et de laisser sur le don de Marcel Mauss, ce qui a permis aussi paradoxalement de réinvestir les motivations juridiques d'un Mauss dans les années 20, qui en fait tente d'imposer d'autres modèles au droit occidental en s'inspirant des Maoris, par exemple. Oui, Bénédicte Savoie, on voit bien l'intérêt de présenter ce que Yann Potin vient de présenter comme une fiction juridique, parce qu'on sait très bien que ces fictions juridiques servent à faire avancer le droit, donc à faire avancer le droit, mais aussi à faire avancer les mentalités, etc. On crée des fictions juridiques, et puis à partir de ce moment-là, on voit comment le réel rejoint ces fictions. Qu'est-ce que vous avez en tête, justement, sur cette question, effectivement, a priori absurde, d'objets qui seraient des sujets et qui pourraient disposer d'eux-mêmes? Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous y réfléchissez, Bénédicte Savoie, en tant que professeur? En retour d'Afrique, excusez-moi, mais c'est pas une idée absurde du tout. Elle est absurde pour nous Parisiens. Elle est peut-être moins absurde en Bretagne qu'à Paris. Ah. Et en tout cas, elle a une très très longue tradition. Les objets agissent sur nous. Les objets nous font mal. Les objets nous regardent. Ils nous regardent vivre et mourir. Et eux, ils restent. Si vous voulez, donc c'est pas si absurde que ça. Et en plus, quand nos sources historiques nous montrent ces objets depuis longtemps, et surtout dans la culture populaire, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on, la journée d'hier a été un vrai succès. On a ouvert la cuisine et on a réussi vraiment à faire quelque chose ensemble. Mais si on voulait approfondir, je pense qu'il y a une question qu'on n'a pas tout à fait approfondie hier, c'est celle de savoir jusqu'où on y croit. C'est-à-dire que si on voit, par exemple, aujourd'hui, des activistes politiques qui vous montrent des statues du Parthénon enfermées et qui disent « je suis grec, je veux sortir de là ». La question, c'est qui y croit? Est-ce qu'on y croit vraiment? Ou est-ce que c'est juste un instrument politique? Et est-ce qu'on y a cru par le passé au Moyen-Âge et on a arrêté d'y croire? Ou est-ce que les élites ont arrêté d'y croire, mais les gens, les activistes politiques, ceux qui veulent faire bouger les choses, continuent d'y croire d'une manière ou d'une autre? Enfin, en tout cas, il y a vraiment des croyances liées à ça qui sont pas absurdes. Ah non, non mais et notre rôle d'historien, c'est bien de voir, surtout parce que ça agit en ce moment, c'est agissant. C'est des images et des fictions agissantes dans les débats politiques. Dans le réel, et elles ont déjà agi à des périodes passé, sur lesquels vous avez travaillé en tant qu'historienne de l'art, Bénédicte Savoie, que ce soit lors des conquêtes napoléoniennes ou tout au long des guerres coloniales, effectivement, mais elles sont encore agissantes, dites-vous, aujourd'hui. Oui, elles sont agissantes aussi à différentes échelles. Et bien entendu, je pense que quand on s'intéresse, et c'était le cas de l'intervention de Manuel Charpie, aux bijoux de famille, ou même aux objets du quotidien qui font l'objet d'investissements affectifs, identitaires, et qui se transmettent justement aux marges du droit, en dehors du marché, et à l'intérieur des familles, tout le monde et toutes les personnes qui nous écoutent, tout le monde connaît des objets qui non seulement parlent, mais agissent au quotidien du peuple. Ne serait-ce que la mèche de cheveux du 19e siècle, du grand-père que l'on a conservé dans une sorte de petit reliquaire. Tout simplement la maison de famille. Enfin, si après on peut étendre, il y a des objets, il y a des lieux qui en permanence agissent. Donc en fait, quand on parle ici d'absurde, c'est vraiment l'absurde comme dialectique de la rationalité occidentale. Voilà, exactement. C'est pas, de toute façon, rien n'est ni absurde ni rationnel en soi. C'est par définition, c'est. On peut espérer voir tout de suite, assez rapidement, j'imagine, grâce aux moyens audiovisuels du Collège de France, le résultat de cette journée. C'était en direct ou presque sur le site. Grâce aux merveilleux moyens du Collège de France, tout a été filmé hier et on en est très heureux. Et on vous relance une invitation, Bénédicte Savoie et Félix Winsart, dès que vous pouvez, à la rentrée de septembre, venir nous parler de cette mission sur la question des restitutions d'objets qui parlent, on a compris, en vous écoutant. Merci Yann Potin et merci à vous, Bénédicte Savoie. Merci. On avance dans cette émission de ce vendredi avec vous, Amélie Meffre, en parlant là aussi de patrimoine, ou du moins de passé historique d'un objet juridique, à savoir un édit. Vous avez choisi, à propos du projet de loi gouvernementale sur les fake news, qui n'a pas pu être adopté à l'Assemblée pour cause de vifs débats, et peut-être d'ailleurs cet examen du texte ne sera pas voté avant fin juillet. Donc vous avez choisi de réfléchir sur cette loi sur les fake news à partir de l'édit de François Ier du 28 décembre 1537, qui a rendu obligatoire en France l'examen de tout livre avant publication. Amélie, bonjour. Bonjour. Eh bien, disons que cet édit de Montpellier de 1537, en même temps qu'il vise à diffuser le savoir, signe cette même volonté du pouvoir de contrôler les nouveaux moyens de diffusion, hier l'imprimerie, aujourd'hui Internet. Bon, évidemment, les contenus visés ne sont pas les mêmes, ils étaient alors d'ordre religieux et donc difficilement vérifiables. Mais tout de même, vous me permettrez cet anachronisme, une fois, ces textes considérés comme hérétiques n'étaient-ils pas des sortes de fake news embarrassant le pouvoir en place? Alors il faut revenir un peu en arrière pour comprendre ce qui se passe alors. François Ier, devenu roi de France en 1515, n'est pas hostile aux partisans d'une réforme de l'Église. Sa sœur Marguerite de Navarre les protège même contre les attaques des théologiens de la Sorbonne. Enfin, François Ier est tout de même un fervent catholique qui n'a pas intérêt à se fâcher avec le pape. Mmh. D'autant qu'il a signé avec lui en 1516 le Concordat de Bologne qui lui confère la mainmise sur le haut clergé. Il redoute donc une propagation de la réforme dans son royaume. Dès 1525, le roi prend ses distances avec les réformés qu'il accuse d'hérésie. Et quand le 1er juin 1528, des protestants décapitent une statue de la Vierge à Paris pour signifier le mépris de son culte, eh ben le roi mène procession quelques jours plus tard pour remplacer la statue mutilée. Et puis les choses vont se corser en 1534, quand dans la nuit du 17 au 18 octobre, sont placardés en province, à Paris et même sur la porte de la chambre du roi Ambroise... Ça c'est peut-être le pire. Et oui, des affiches dénonçant les horribles abus de la messe papale. Cette affaire des placards, comme on la nomme, va déclencher une grande vague de répression contre les mal-sentants de la foi. Et comme leurs idées se propagent grâce à l'imprimerie, en plein essor, le roi va s'atteler à la contrôler. Je vous conseille au passage le formidable roman d'Anne Queneau, le maître de Garamond, qui nous conte de l'intérieur l'expansion de l'imprimerie et ses tracasseries. Enfin, le mot est faible, tracasserie. En janvier 1535, un édit royal prohibe l'imprimerie et ferme les librairies. Inapplicable, la mesure est abandonnée un mois plus tard. Mais le Parlement de Paris crée un tribunal spécial, la Chambre Ardente, pour traquer les réformés et leurs écrits. Pendant ce temps, nombre d'hérétiques, dont des imprimeurs, passent sur le bûcher. Les ardeurs de François Ier vont un temps se calmer. Le pape lui rappelle, je cite, que c'est cruelle mort de faire brûler vif un homme. C'est sûr. Vrai, c'est assez cruel. C'est assez cruel. Alors, sans entrer dans les détails, le roi doit aussi ménager ses alliés pour combattre l'empereur des Romains Charles Quint, et certains épousent les idées de Luther. Un édit de juillet 1535 va donc accorder l'amnistie aux protestants qui acceptent d'adjurer. Ce n'est pas le cas de Calvin qui s'enfuit en Suisse. On le sait. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est dans un contexte pour le moins troublé que l'édit de Montpellier du 28 décembre 1537 est rédigé. Il établit l'examen par la librairie royale d'un exemplaire de tout nouveau livre avant publication. Alors on peut voir dans ce texte, à l'instar de l'historien du livre Frédéric Barbier, une ambition culturelle certaine, d'autant que François Ier est un amoureux des lettres, admirateur de Pétrarque. Le texte explique ainsi « Nous avons délibéré de faire retirer, mettre et assembler en notre librairie toutes les œuvres dignes d'être vues, qui ont été ou seront faites, si de fortune, elles étaient perdues dans la mémoire des hommes. » Louable objectif. Mais dans les dispositions qui suivent, Bellerois exige des imprimeurs qu'il présente à ses bibliothécaires avant toute mise en vente les livres nouvellement imprimés en France et ailleurs, afin d'obvier aux méchancetés et erreurs qui pourraient être imprimées. Le contexte est donc clairement celui du contrôle des idées, notamment religieuses. Une ordonnance, quelques mois plus tard, vient préciser cette volonté de contrôle. Elle interdit et défend à tous les imprimeurs, libraires et autres d'imprimer, de vendre, d'acheter ou d'avoir des livres et œuvres quelconques qui n'aient été vus au préalable par les lecteurs royaux. Et ce n'est qu'après cet examen que, si les livres sont trouvés dignes d'être mis en librairie, on envisage l'achat avant même d'en réclamer le dépôt. À partir de 1538, alors que François Ier se rapproche des puissances catholiques, les édits vont se succéder pour pourchasser les criminels de lèse-majesté. Le pouvoir royal impose la censure, contrôle les librairies et les bibliothèques et exécute les hérétiques. Les pouvoirs intermédiaires ne sont pas en reste. Dans le Vaucluse, les Vaudois, qui se sont ralliés à la réforme, vont en faire les frais. En 1545, le Parlement d'Aix décide de les éliminer. En 5 jours, quelques 3000 personnes sont massacrées et une vingtaine de villages brûlés. Quant aux écrits, ça ne s'arrange pas. Le 11 décembre 1547, un texte oblige encore de faire figurer en première page les noms de l'auteur et de l'imprimeur, ainsi que le lieu d'impression. La peine de mort est même prévue contre ceux qui auraient publié un livre concernant la Sainte Écriture sans l'approbation préalable de la Sorbonne. Bref, la censure, encore de bien mauvais jours devant elle. Merci beaucoup Amélie d'être venue présenter donc cet édit de 1537. On peut lire de Frédéric Barbier l'histoire du livre paru chez Armand Collin en 2001. Visitez aussi le site de la Bibliothèque Nationale de France et ses pages consacrées à François Ier. Et lire, vous l'avez dit tout à l'heure, le livre d'Anne Cunéo, Le Maître de Garamond, paru chez Stock. En 2003, Yann Potin, vous qui travaillez aux archives nationales, là où effectivement on a conservé, non pas, ça c'est à la Bibliothèque de France, on a conservé ses livres, mais enfin en tout cas on conserve les archives de l'État. Il y a une forte ambiguïté dans cette place du roi ou de l'État en général, dans cette volonté de préserver la mémoire d'un côté, mais de l'autre côté de la contrôler. Oui, d'autant que c'est assez fascinant comment les liens se créent, puisque Amélie Meffre a précisé que la censure était organisée par les lecteurs royaux. Les lecteurs royaux, c'est le Collège de France. Le Collège des lecteurs royaux. Oui. À l'époque, c'est le Collège de France qui vient d'être créé. Les prédécesseurs de Bénédicte Savoie. Qui vient d'être créé en 1530. Donc, effectivement, tout ça, c'est un dispositif. Et rappelons qu'en 1539, c'est l'édit de Villers-Cotterêts qui va imposer la langue française dans les actes officiels d'état civil, enfin, qui s'appelle pas comme ça. Bref, on est effectivement là dans une décennie décisive dans cette ambiguïté entre le pouvoir et le savoir, au fond, où le savoir fonde le pouvoir et en même temps est une menace. Le pouvoir peut protéger le savoir d'une certaine façon tout en le contrôlant. Voilà, et représente une menace parce que c'est avant tout un désir de liberté et de libération. Cela dit, l'ordonnance aussi de Montpellier de 1537 a été longtemps invoquée comme origine aujourd'hui considéré comme mythographique, du dépôt légal de la Bibliothèque nationale. Parce qu'effectivement, cette idée que chaque livre allait être visé, on approche de l'idée que chaque livre doit être déposé par les imprimeurs, même s'il faut attendre le XVIIe siècle et Louis XIV pour que le dépôt légal, et donc cet immense réservoir de la mémoire et du savoir qu'est la Bibliothèque nationale, se mette en place. Pour les archives, justement, on est largement du côté du pouvoir et moins du côté du savoir. Là, il faudra attendre le 19e siècle pour que cette mutation se fasse entre les documents et les livres. Ça prouve bien, Zrinka Stahljak, vous êtes intervenu en première partie de cette émission, que le livre, c'est dangereux. Enfin, en tout cas, ça peut être dangereux. En tout cas, que certains peuvent le considérer comme dangereux. Et on voit bien, effectivement, combien le savoir qui vous précède ou qui nous précède d'une certaine façon, ce savoir médiéval sur lequel vous avez travaillé pour l'archéologie pornographique, pour certains des érudits du 19e siècle, eh bien c'était un savoir qui pouvait être explosif.